histoire est belle. Mon histoire est faite de couleurs et peines. Je ne suis pas au bout de mes chaînes. J'attends comme toi que la lumière s'éteigne. Que l'amour m'étreigne, que l'amour me prenne. J'ai vécu dans l'ombre de ma douleur et belle. Mon histoire est faite de couleurs et peines. Je ne suis pas au bout de mes chaînes. J'attends comme toi que la lumière s'éteigne. Que l'amour m'étreigne, que l'amour me prenne. J'ai vécu dans l'ombre de ma douleur et belle. Étranger, quoi que je fasse. Je ne serai jamais à ma place. Noir est ma couleur et pas qu'en surface. Choigne une douleur, une autre la remplace. Je manque d'air, je manque d'espace. Comme un gangster, bloqué dans le sas. À mes adversaires, je dois faire face. Chaque jour est une guerre, une promesse de menace. En forme de Pushka, et mon continent. Ses larmes sèchent pas. Un continent vomit du pétrole, crache des diamants. Pourquoi crois-tu que son sol soit rougi par le sang? Je n'ai pour guerre l'un que le fouet et le bâton. Je suis un Africain qui n'a pas de patron. La souffrance m'attire comme un aimant. Comme un futur martyr, je souris rarement. Douleur est belle. Douleur est belle. Mon histoire est faite de couleurs et peines. Je ne suis pas au bout de mes chaînes. J'attends comme toi que la lumière s'éteigne. Que l'amour m'étreigne, que l'amour me prenne. J'ai vécu dans l'ombre de ma douleur est belle. Mon histoire est faite de couleurs et peines.